Le premier ministre coréen Park Bong-joo s'est renseigné sur la réparation des dégâts de la ville de Haeryong et des arrondissements de Musan et de Yeonsa de la province du Hamgyong du Nord. Dans les réunions consultatives tenues sur place, on a discuté des mesures de travail pour terminer le plus tôt possible la reconstruction des régions sinistrées. Par ailleurs, il a visité le complexe sidérurgique Kimtae, l'acierie et le port de Chongjin et a souligné l'importance d'augmenter la production des matériaux en fer et en acier et d'accélérer le transport des matériaux comme le ciment à destination des chantiers de reconstruction.